T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est comme on veut. C'est vrai qu'on est passé maintenant à l'heure d'hiver, donc il fait noir un peu plus rapidement en fin de journée. C'est Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30 sur les fréquences de RGL. Vous nous écoutez via les ondes radio, sur le câble télédistribution ou via le site internet, donc soyez les bienvenus. C'est notre épisode numéro 402 aujourd'hui, avant-dernière émission pour cette année 2018. Bah oui, on arrive tout doucement à la fin de l'année et on ne se relâche pas. On vous propose toujours le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, et cela pendant 90 minutes. Alors aujourd'hui, pas mal de bonnes choses, des revenants et des nouveautés, bien entendu. On ira faire un tour sur le nouvel album de Sari Shore. Si vous étiez à l'écoute le mois dernier, je vous en avais un tout petit peu parlé. On écoutera Black Anis, qui sera notre powerplay. Ça nous emmènera du côté de Chypre au soleil. Et puis plein d'autres choses. Et je vous propose de commencer tout de suite par une nouveauté. Je pense qu'on ne l'a encore jamais écouté dans cette émission. C'est un artiste qui s'appelle Bobo Burns. Il va nous emmener du côté du Massachusetts, puisque c'est le titre de ce morceau. C'est extrait d'un album qui s'appelle Two Sides to This Town. Et puis après, ce sera Callie Carlson avec le morceau Seize the Day. On pourrait le traduire par Carpe Diem en français. Donc profitons de la vie, profitons du moment, profitons de la journée, et surtout des journées comme aujourd'hui où il a encore fait relativement bon, on peut dire. Et pas trop humide, en tout cas par ici. Allez, c'est parti pour la musique, Bobo Burns et Massachusetts. Massachusetts is a funny word when you're drunk. Well, I was in some kind of a funk. Made me wanna see you again. I doubt you. Three times before it went through, I didn't know what I would ask you. Just trying to remember the song. Oh, but you knew it all along. You said, tie your troubles across my shoulders. Over now, baby blue. all you had, the records, they were all scratched. You know I really miss you too. Voilà, elle s'appelle Carly Carlson, elle nous chantait le morceau 6-2-D, c'est le cinquième morceau sur cette EP Monterey Shoreline, sorti chez Parapli Records en Suède, pour être tout à fait correct, et c'est la plage numéro 5. Je vous le disais en commençant cette émission, on va aller faire un petit tour sur le tout nouvel album de Sari Shore, l'étoile montante du blues rock. Sari Shore donc, qui sort un nouvel album qui s'intitule Never Say Never, donc ne dites jamais jamais. On va écouter le morceau Ready for Love, et tant que j'y suis, je vous annonce que si vous êtes du côté de Verviers ou le 14 novembre, donc c'est très très bientôt, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, c'est dimanche en 8, et bien elle sera en concert au Spirit of 66 à Verviers, et puis si vous n'êtes même si vous n'êtes pas là-bas et que vous voulez faire le déplacement, n'hésitez surtout pas, ça vaut la peine. Sari Shore, Ready for Love, extrait de son donc tout nouvel album, Never Say Never, et puis après on écoutera une autre nouveauté en la personne de Erin, Our Love Won't Die. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading. Rolling on to that bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know how it feels, my friend. I want you to Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. And we're Chaser 8, and you're listening to Planet Indie. Une charmante blondinette, elle s'appelle Erin, elle nous interprétait Our Love Won't Die, notre amour ne mourra pas. Alors de la blonde, on va passer à la rousse. La rousse s'appelle Judith Owen, elle vient de sortir un album qui s'intitule Rediscovered. Alors il y a pas mal de jeux de mots dans ce titre d'album, puisque Red ça veut dire roux en anglais, et puis Rediscovered, il y a cover qui veut dire reprise. C'est effectivement un album de reprise. Alors le morceau que je vous ai sélectionné, je ne vais pas vous dire le titre, sinon vous allez trouver tout de suite, mais essayez un peu de trouver ce que c'est le morceau original. Faites plutôt attention aux paroles plutôt qu'à la musique, parce que au niveau de la musique ça va pas du tout vous aider, c'est assez différent de l'original. Allez, Judith Owen, et on se retrouve d'ici quelques minutes pour on va dire la réponse à ce petit exercice. Thank you. to Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with the mobile. And they didn't have that much time. And Frank Zappa and the Mothers were at the best place around. But some stupid fool with a flare gun went and burned the place right to the ground. And all I saw was smoke on the water, a fire in the sky. I saw smoke on the water. I saw burned down the gambling house and it died with a terrible sound. Claude was running in and out, pulling kids straight out of the ground. When it was all over, they had to find another place. But a Swiss time, oh, it was rotten and hard. They thought that they would lose the race, and all I saw was smoke on the water, fire in the sky. I saw smoke on the water. I saw musicalement certains éléments de la version originale, mais c'est une version assez différente et qui n'est pas plus mal. C'était Smoke on the Water par G.D. Tirwen. Une fois qu'elle a eu chanté ses paroles, on a tout de suite reconnu que c'était la reprise du morceau de Deep Purple. Mais avant cela, c'est vrai que c'était assez différent du morceau de départ. On aura encore une autre reprise d'ici quelques minutes par un autre groupe, vous verrez. Avant cela, et avant de passer à notre album Powerplay, puisqu'il est grandement temps, je vous rappelle, vous apporte une petite précision. Je vous ai dit que le concert de Sarry Shore au Spirit of 66 de Verviers, c'était le 14 novembre prochain. Ça, c'est tout à fait exact. Je vous ai dit, c'est dimanche en 8. Ben non, je me suis trompé. C'est mercredi en 8, donc pas dimanche en 8. Ce sera donc bien le mercredi 14 novembre au Spirit of 66. À Verviers, en Belgique. Et puis, pour plus de renseignements, et si vous voulez la voir à d'autres endroits ou à d'autres dates, vous allez sur son site internet www.sarishore.com. Voilà, 17h26, on passe à la découverte de notre album Powerplay. Comme je vous l'ai dit en commençant cette émission, c'est un album qui va nous emmener vers la belle île de Chypre avec le groupe Black Anis. C'est un groupe qui se compose de 5 personnes, un groupe orienté plutôt blues rock Et on a même la date de formation très précise du groupe, et c'est très très récent, puisque c'était le 2 janvier 2016, ça s'est passé à Nicosie. J'ai pas trouvé énormément, évidemment c'était un groupe très récent, donc ils n'ont peut-être pas encore tout ce qu'il faut pour faire leur promotion, et on n'en parle peut-être pas encore beaucoup, et c'est pour ça que cette émission elle est là aussi. Tout ça pour vous dire que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations à vous raconter sur eux, donc la présentation va être réduite à sa presque plus simple expression. Je peux encore vous dire que bien le groupe se compose, on l'a dit, de 5 personnes, à savoir Orestis Sava et Kyriakos Christodoulides aux guitares, Xantos Patichis à la basse, Phrixos Protopapas aux percussions, et enfin Adriana Di Antonio au chant. Voilà, on va écouter un premier extrait de leur album qui s'appelle Résonance 2116, et le morceau que j'ai choisi de vous passer, c'est la plage numéro 2, Don't Leave Me, ne me quitte pas. C'est le groupe Black Anis comme Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. century ago. Oh, it made me so angry. I got to thinking of you. Bastard wrote in a terrible song that you were basically through. So, while a grumpy old driver blew the horn outside, he bragged about this jet plane he was going to ride. Since your modest background simply wasn't enough, he had to fly a little higher and go for heavier stuff. So, no more songs about jet planes, please. I've more than had it with those campfire evergreens. Can't take the words, no, I can't take the sound, because what goes up must come down. Wall, as the wedding ring passage echoed loudly through the hall. While you closed your blue eyes and dreamed your life away, a charming female passenger kept the jet plane blues at bay. No more songs about jet planes, please. I've more than had it with those campfire evergreens. Can't take the words, no, I can't take the sound, because what goes up must come down. He ran off with the royalty checks, so don't waste your time. No more songs about jet planes, please. I've more than had it with those campfire evergreens. Can't take the words, no, I can't take the sound, because what goes up must come down, down. Il s'appelle Citizen Key, il nous interprétait le morceau Radio Classique et c'est sous-titré No More Songs About Jet Planes, Please. Je vous avais dit qu'il y aurait encore de la reprise, et bien la voici. Cette fois-ci, c'est une reprise par les groupes Les Nightbirds et c'est une primeur pour vous, chers auditeurs de Planet Indie, puisque ce morceau ne sortira que sous peu et nous l'avons rien que pour vous. Alors, on va faire le même petit exercice que tout à l'heure. Eh bien, je vous laisse deviner de quel morceau il s'agit et de la reprise de qui il s'agit. La réponse est bien dans quelques minutes. I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Fashion sets, Beardsley prints, I put down to experience. Pickles and lady, Dutch accent, you tried to change my point of view. Ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. My respect for you, immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. Your rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. Every love song ever written, but honey, what do you see in me? In my heart, you're in my soul. You be my breath, should I grow old. You are my lover, you're my best friend in my soul. Essay in glamour, please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. Celtic to United, but baby, I've decided you're the best team that I've ever seen. There have been many affairs, many times I thought to leave. On my lip and turn around, cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart, you're in my soul. Même une grande proximité au niveau de la voix, hein. J'espère que vous l'avez tous reconnu, en tout cas tous ceux qui sont plus ou moins de ma génération. C'était une reprise bien entendu de Rod Stewart, You're in My Heart, par le groupe The Nightbirds. On poursuit avec Laura Mead, What I See From Here, puis on écoutera ensuite Stumble Fix, une autre nouveauté avec Dragonfly, et puis on retournera sur notre album Powerplay, l'album Resonance 2116 du groupe chypriote Black Anis. Doing the best that I can. I wasn't quite ready for this. I'm doing the best that I can. What I see from here, this dizzying height, mistakes made so long ago, and wishing this were different doesn't make it so. Pick up the pieces, the damage is done. How much dizzying height. The answer so small down below. And wishing this were different, does it make it so? This dizzying height, mistakes made so long ago, so long ago, long ago. And wishing this were different doesn't make it. Wishing this were different doesn't make it. Wishing this were different doesn't make it so. Thank you. Voilà, c'était une nouveauté, c'était Stromboli avec le morceau Dragonfly. C'est issu de cette compilation qui est sortie pour fêter l'anniversaire du label EF Music. Et eh bien, je vais picorer de temps en temps l'une ou l'autre chanson pour vous la proposer. Et d'ailleurs, je pense, je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'elle est offerte en téléchargement gratuit si vous faites quelques petites recherches sur internet, voire même dans le groupe Planet Indie. Je me demande si je n'avais pas posté le lien pour la télécharger. Donc voilà une bonne raison pour nous rejoindre sur Facebook. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous nous rejoignez. Sinon, vous passez par notre site internet www.ilovemusic.ga et miracle, vous nous retrouverez aussi de cette façon. Alors, on est temps de repasser sur notre album Powerplay, l'album du groupe Chypriot Black Anis, un album qui s'intitule Résonance 2116. Que vous dire ? Eh bien, que leur musique, leur son est qualifié comme eh bien une pincée de blues rock du sud avec des éléments trip hop des années 90. Les années 90 qui sont assez présentes aussi, et on en voit la trace quand on les voit sur scène, puisqu'ils utilisent pas mal d'effets visuels et de choses à côté de la musique pour leurs concerts. Leur album est composé de différents morceaux qui eh bien, sont chacune de ces compositions, que ce soit au niveau des paroles ou de la musique, eh bien, crée un univers et raconte une histoire différente qui est censée eh bien, amplifier et stimuler nos cinq sens. Le premier single, Don't Leave Me, c'est le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, eh bien, il est sorti uniquement de façon virtuelle sur internet en mai 2016 et il est disponible aussi sur YouTube maintenant pour ceux qui veulent. Je vous ai mis aussi une petite vidéo ainsi qu'un lien pour préécouter l'album si vous le voulez dans notre groupe Facebook. Et puis voilà, nous on va passer à ce second extrait. Donc le morceau City Light, c'est la plage d'ouverture de cet album Résonance 2116 par le groupe Black Anis. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. I'm demented. Elijah Tucker, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Mark Lassiter, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics, and you're listening to Planet Indie. Feet turned cold at the tone of those wedding bells. I felt bad, everybody got dressed up, but I knew I'd messed up, so I had to fess up that all I really wanted was just to get drunk as hell. So I jilted that poor woman and I got drunk as hell. I'm a talking about hellfire, hellfire, oh hellfire, that's where I'm bound. Talking about hellfire, oh hellfire, that's where I'm bound. Feel sinful, needing grace. Sunday morning, knew the place, so I stumbled into church and sat down for a spell. A few minutes in, I felt free of sin, so I polished off my bottle of bathtub gin and got stinking, dirty, awful, drunk as hell. Yeah, right there in the back pew, I got drunk as hell. I'm talking about hellfire, oh hellfire, yeah hellfire, that's where I'm bound. I'm talking about hellfire. To say farewell, I stood in the back, dressed in black, tearing up and turning up and getting lit up. Good God, awful, greasy and drunk as hell. I cried, I'm coming for you, buddy. That's where I'm bound. I'm a talking about hellfire, oh hellfire, yeah hellfire. That's where I'm bound. I'm a talking about hellfire. Time I see his light will be under a desert sky. All else seems to fail, you know, in government we trust. Shackles round our ankles as our bones begin to rust. Asleep beneath the palm trees laid out in freedom's rest, stretching as far as I can reach, trying so hard to forget. My motherland, my city next to me, yeah, the angel of death. He's been circling like a vulture, hanging just above my head. My heart still kicks, my lungs they swell. The oil drips as the body starts to smell. Death get graceful and step into the light. He said, take my hand, son. Shoot through the sun, yeah, shoot through the sun. for up above. Or maybe not, it's hard to tell. My eyes can't see if there's a bottom to the well. Il s'appelle Nico Rivers, il est accompagné de ses Black Grass. Il nous interprétait le morceau Oil Drips, extrait d'un album qui s'intitule Tiny Death. Et avant cela, c'était Ben Bostick, un nouveau venu, avec le morceau Hellfire, un morceau qui donne son nom à son album. En cette période de Toussaint, d'Halloween, de fête des morts, eh bien, que diriez-vous d'un peu de magie noire ? C'est ce que nous propose ACG, Black Magic. Et puis après cela, retour sur notre album Powerplay, Résonance 2, 2116, du groupe Black Anis. Ain't no way to release me. que vous avez senti le pouvoir de la magie noire, Black Magic par ACG. 18h12, grand, il est grand temps de retourner pour la troisième et dernière fois aujourd'hui sur notre album Powerplay, l'album Résonance 2116 du groupe Black Anis. Alors, quelques petites informations supplémentaires. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose à dire parce que c'est un groupe très jeune et il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent. Le nom du groupe est inspiré eh bien, par une sarthe, une race d'animaux, d'oiseaux, pardon, qui s'appelle Annie. Et c'est un oiseau qui est assez unique. Et par là, ils veulent exprimer leur authenticité et leur liberté. Et puis aussi le mot d'origine arabe ou arabique, Anis, qui se traduit par ami proche ou compagnon. Et alors, dans le titre de l'album, on a 2116. Bon, évidemment, c'est 21h16, évidemment. Et ils ont ajouté cela parce que c'est l'heure à laquelle, eh bien, quelque part, leur groupe a été formé. Ils ont créé, eh bien, un lien harmonieux, comme ils appellent ça. Donc, ils ont ajouté l'heure pour au nom de l'album. Voilà, je perds un peu mon latin ou mon chypriote, ou plutôt mon grec, puisque... Eh bien, ce sont des chypriotes grecs. Black Anis, on les écoute avec le morceau Lay Me Down. C'est notre powerplay dans Planet Indie aujourd'hui. Et je vous rappelle que je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie un lien pour pouvoir préécouter cet album en toute tranquillité si vous le désirez. Powerplay. Powerplay. Ooh. And me, oh. Arda from Arda and the Stolen Moon. Thank you, Planet Indie, for being the first radio station to play our songs and for supporting indie bands all over the world for 20 years. My daddy drove a caddy and my mama liked a honky-tonk. You didn't have to see them, you could tell where they were coming from. It had a pearl paint job and white wall ties. Mama would be singing red balls of fire. My daddy drove a caddy, mama liked a honky-tonk. They'd be driving down the road, everyone would know. She'd be rocking to the music in the go caddy go. Radio up and his hair slicked back, rag top down on my daddy's Cadillac. My daddy drove a caddy and my mama liked a honky-tonk. You didn't have to see him, you could tell where they were coming from. Job and white wall tires. Mama would be singing red balls of fire. My daddy drove a caddy. Mama liked a honky tonk. Yeah! Through the snow, I flirted with the nurses, I broke some hearts as well, but I wasn't quite so frisky as before, and I ain't no pretty boy no more. Well, I liked Ike at 56, but Bud liked that a lot. And as you know, I never liked to fight. But beer, black eyes, and bar stools, they wove their magic spell. We had the same discussion every night. Myself a ladies' man, but as the years went by, times were tough, but still I had to spend. I brought them drinks and compliments, they flashed their eyes and smiled, and leave with some hippie in the end. Well, when you get back to Logan, here's what you got in store. It's been a hard life and I ain't no pretty boy no more. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. On est un peu juste, mais c'est un peu comme chaque fois. On écoute à l'instant Dan Cunningham avec I Ain't No Pretty Boy No More. Ça veut dire je ne suis plus un beau garçon. Et avant cela, c'était Don Walker avec Daddy Drove a Caddy. Il nous reste à écouter Blue Eyed Soul Dickie avec Delicious, si on a le temps. Et puis Roma Ransom et le morceau Smoke Rings, c'est ce qui va partir tout de suite. Et si je ne m'abuse, c'est un instrumental, donc je vais profiter de ce morceau pour passer en revue en vitesse la programmation de la Rockale pour le mois qui vient. Alors si vous comptiez aller voir Kylie Minogue, la jolie Kylie Minogue, le 6 novembre, eh bien c'est annulé. Faites-vous rembourser vos tickets. Vendredi prochain, le 9, ce sera L.E.J. Le 10, Edson Release. Le 12, The Flaming Lips. Le week-end d'après, eh bien ce sera le Sonic Vision Festival. Ça se passe les 15, 16 et 17 novembre. Le 20, on vous conseille Within Temptation. Le 20, il y avait Lucas Rigger qui était proposé, ça a été postposé au 10 avril 2019. 23 novembre, vous pourrez voir Cathy Melua et sa charmante et douce voix. Alors, Maître Gims le 24, le 25, Tesseract plus Between the Buried and Me plus Pliny, le 26, Tremonti, le 27, Andy James avec son guitare clinique, le 28, Blanche, le 29, Columbine, et puis le 2 décembre, The Musical Box, c'est un groupe de reprises de Genesis qui se concentre eh bien sur cette période assez ancienne du groupe Genesis. Et en parlant de Genesis, notez aussi la date du 26 mai, voilà, 26 mai 2019, avec la venue de Steve Hackett. Donc c'est un ancien guitariste de Genesis qui va revisiter aussi des vieux morceaux de Genesis, notamment le morceau Selling England by the Pound. Ce sera le 26 mai 2019. Allez, on écoute quelques notes de Roma Ransom, Smoke Rings, et puis on se quittera avec Blue Eyed Soul Dickie et Delicious. Voilà, donc c'était Planète Indie, émission numéro 402. Cette émission sera rediffusée demain dimanche 4 décembre entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Vous pourrez aussi retrouver l'enregistrement, le podcast de l'émission sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis notre prochaine émission en direct, ce sera le 1er décembre, dans 4 semaines exactement, pour la dernière émission de l'année, l'émission numéro 403. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon dimanche, et puis rendez-vous donc le 1er décembre pour de nouvelles aventures en live. Vous nous retrouvez sur internet aussi. Et on se quitte avec Blue Eyed Soul Dickie et le morceau Delicious, et c'est featuring Just a Man. Sometimes fancy houses she requires Italian suit. Just one glance and you can see, heaven knows that she's got the attitude. I'm too delicious, I'm too delicious for love. I'm too delicious for love. Fraîche, belle, charmante, très rieuse, précieuse, on la complimente quand elle parle, tout le monde l'écoute avec le sourire. Quand elle danse, tu penses comment tu vas la courir. Ce mouvement de hanche, son regard coquin, c'est toute son attitude, tu dis es-tu, mais tu t'en manques bien. Elle t'a déjà allumé, elle va te fumer comme un gros joint. Attention copain. I'm too delicious, I'm too delicious for love. I'm too delicious, I'm too delicious for love. Oh, no one dares to climb a throne. Does she spend the nights alone? Who can say? Some are too stupid, some are too tough, some are just not macho enough. Stay away. I'm too delicious, I'm too delicious for love. Mais vicieuse, ça se voit dans ses yeux, elle est trop délicieuse. For love, I'm too delicious. Mais trompeuse, elle peut être dangereuse, elle est trop délicieuse. Trop délicieuse, elle est trop délicieuse. I'm too delicious.